les petites histoires de Tell Me. Le bon, les brutes et les héroïnes. Mon nom à moi, c'est Billy. Et ce matin, j'ai fait une rencontre extraordinaire. J'ai été en ville avec Dick Fox, le vieux monsieur qui s'occupe de moi depuis que ma maman est au ciel et que mon papa est parti à l'autre bout de la terre. J'ai pas été à l'école parce que c'est les vacances et que ça veut dire que je dois aider à faire tourner la maison, comme le dit Mrs. Fox. Si vous vous attendez à ce que je soulève la cabane où je vis pour la faire tourner dans tous les sens avec mes petits bras, c'est que vous comprenez pas bien cette expression. Wep. Bref, je file toujours des coups de main au Fox quand il n'y a pas école. Et là, il y a eu drôlement besoin de moi. Mrs. Fox fait parfois des tartes et les revend ensuite pour gagner un peu de sous. Et ce matin, elle nous a donné une liste longue comme le bras, la jambe et le pied d'ingrédients à lui ramener. Quand on est arrivé dans la grand-rue, le vieux Dick m'a dit qu'il me laissait commencer les commissions parce qu'il avait soif. Il est donc allé faire un tour au saloon, voir les copains, comme d'habitude. Je sais bien qu'en ressortant, il marchera pas droit et il faudra que je l'aide à rentrer chez lui pour qu'il se fasse rouspéter par sa femme. Mais moi, ça me plaît bien. J'aime quand il me confie la liste et l'argent des courses parce qu'il ajoute à chaque fois « Avec la monnaie, prends un petit quelque chose pour toi, kid !» Muni de ma fortune, je suis ainsi allé à l'épicerie de Mr. Smith, le papa de ma copine d'école, Laura. Elle, c'est celle qui voudrait être la chef de notre bande, mais avec Fred, John et le petit Peter, on n'est pas trop d'accord. On préfère que le chef soit un garçon. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui ai été choisi, hein. Je me suis dirigé vers la boutique en traversant la rue, et c'est là que je l'ai vue. Attaché à un poteau avec une corde, le plus beau cheval que j'ai pu voir de toute ma longue vie de petit garçon. J'ai plongé mes yeux dans les siens, plus immense que le ciel. Des yeux qui expriment l'intelligence de celui qui a tout compris avant d'apprendre. Des yeux qui mangent la vie et respirent la curiosité. J'ai déjà entendu les vieux cow-boys autour du feu de camp parler du coup de foudre. Normalement, ça se passe entre deux humains. Ils savent, dès le premier regard, qu'ils veulent plus se quitter et se faire des câlins pour toujours. Moi, je me dis que c'est peut-être bien la première fois qu'un coup de foudre a lieu entre un petit garçon et un cheval. Alors je me suis approché. J'ai caressé sa crinière aussi blanche qu'un nuage quand il fait soleil. Le superbe étalon a émis un hennissement de plaisir. J'ai admiré sa robe noire comme une nuit sans lune. J'avais la chance de me trouver face à une authentique merveille. Si seulement ce cheval pouvait être à moi, que je me suis dit. Et puis à ce moment-là, j'ai entendu une voix. Une voix que je connaissais. Une voix qui sentait les ennuis et les baffes. Loveless, le caïd de mon école. Aussi bête qu'un sachet de haricots et aussi méchant qu'un jour sans justice. Celui qui m'avait volé ma précieuse étoile de shérif. Celle qui appartenait à mon papy. Éloigne-toi tout de suite de mon canasson, Bill le débile. Je m'appelle Billy et ce matin, j'ai fait une rencontre extraordinaire. Maintenant, je réalise que la personne la plus stupide du monde en est le propriétaire. La vie est parfois injuste, ouais. Dans la vie, il faut toujours un plan de secours, mais il y a des situations où c'est compliqué de réfléchir correctement. Être face à un violent imbécile qui vous menace avec son poing est l'une d'entre elles. Alors, voleur de canasson, on fait moins le malin face à plus fortiche que soi, hein? Le grand Loveless marque à coup sûr un point, avec son poing brandi, prêt à frapper. Et c'est au moment où je ferme les yeux, prêt à recevoir un coup, que j'entends un cri de douleur qui, étonnamment, n'est pas le mien. J'ouvre les yeux et le spectacle vaut son pesant de cacahuètes dorées. Loveless est de l'autre côté de la rue, les fesses dans un abreuvoir, tandis que son cheval finit de ruer. Il me semble évident que la bête a de ses pattes arrière envoyé voltiger le caïd. En voyant la tronche de hibou du grand cornichon complètement hébété, j'explose d'un rire tonitruant qui se joint au hennissement joyeux du cheval. Quand il revient à lui, ma théorie est tout de suite confirmée par son cri furieux et revanchard. « Tornade, stupide bourrique, tu vas voir ce que tu vas prendre !» Je prends subitement peur pour mon héros à quatre pattes. Son geste m'a certes sauvé, mais l'addition risque d'être salée. Il faut que je le détache pour le laisser fuir. Mais alors que je tends mon bras vers la corde attachée autour de son cou, une poigne de fer m'arrête dans mon élan. Un grand homme mince, avec une cicatrice qui lui couvre la partie droite du visage, me fait un mal de chien en me serrant trop fort et me défie du regard. Avec le pistolet 6 coups qu'il porte à la ceinture, je comprends tout de suite que je vais passer un sale quart d'heure. « Papa, il a essayé de me voler, Tornade, mais t'as vu qu'il faut lui coller une raclée ?» La peur m'étreint plus intensément que jamais. Heureusement, c'est le moment que choisit Laura pour faire son entrée en scène. « Vous devriez pas vous en prendre un enfant, Monsieur Loveless. Je pense pas que le shérif aimerait beaucoup ça. »« Ah ouais, le shérif? Ce gros balourd? Sois sérieuse, petite. Je vois pas bien qui pourrait m'empêcher de corriger. Qui c'est que je veux corriger? C'est toi qui vas t'y coller, morveuse ?» Croyez-le ou pas, mais Laura s'est mise à sourire. D'un sourire qui veut dire « Cause toujours terreur, je garde un as dans ma manche. »« Pas moi, monsieur !» lui dit-elle. « Mais par contre, je connais quelqu'un qui est taillé pour le job. » « Papa !» se met-elle à crier aussi fort que Loveless est bête. Alors, Mr. Smith sort de son magasin comme s'il avait le feu aux fesses. Je suis impressionné lorsque je le vois débarquer avec sa carabine Remington dans les mains. Oubliez le gentil épicier qui vend d'habitude des fruits et des bonbons. J'ai en face de moi cet ancien soldat qui, comme nous l'a raconté maintes fois sa fille, a participé à la guerre civile. En un coup d'œil, il comprend parfaitement la situation. Mr. Smith ordonne immédiatement au balafré de me relâcher. Et tandis qu'un attroupement de curieux commence à se réunir autour de nous, je vois le vieux Dick qui s'approche, paniqué. Trop de monde, trop de témoins, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Loveless père s'exécute de mauvaise grâce, non sans maugréer quelques insultes que je peine à comprendre. « Vous perdez rien pour attendre, voleur de bestiaux !» menace-t-il en s'éloignant avec son fils, tenant par la bride le beau Tornade qui, contraint et forcé, l'essuie tête baissée. Je l'ai échappé drôlement belle, mais je ne savoure pas. J'ai le cœur en miettes à l'idée de ce que ce merveilleux cheval va subir comme correction. « De la graine de Desperado !» s'emporte le vieux Dick au comptoir de l'épicerie. Le père est un dur, un vicieux, et le fils prend le même chemin. L'année dernière, ce vaurien a dévalisé ma boutique, complète Mr. Smith. Avec Laura, on sirote une limonade offerte par son père pour nous remettre de nos émotions. « Je t'ai trouvée super courageuse, Laura. Il manquerait plus que je me laisse impressionner par des peines zizi. »« Laura Martha Jane Smith, surveille ton langage, jeune fille !» ordonne Mr. Smith sèchement. Mais nous, on rigole quand même, et ça fait du bien. Ma sauveuse veut maintenant en savoir plus. « Kid, pourquoi diable es-tu allé chercher des noises à la famille Loveless ?»« Ben, je m'en serais bien passé, tu sais, mais je savais pas à qui appartenait ce cheval, moi. » C'est pas un cheval, il est trop jeune. On appelle ça un poulain. Ouais, ben m'étonnerait pas qu'ils aient volé le bestiau, complète le vieux Dick. En tout cas, connaissant la famille, je suis sûr qu'ils vont lui infliger une sacrée correction. Ou même pire, poursuit Mr. Smith. Je suggère alors qu'on informe le shérif, mais le père de Laura et Mr. Fox sont sûrs qu'il ne fera rien. Il a bien trop peur du père Loveless. Je proteste, je colère, je rage et je désespère en disant qu'il faut alors qu'on fasse quelque chose. Mais les adultes ne sont pas d'accord. Il n'y a rien à faire. Parfois, les adultes sont nuls, ils comprennent rien. Lorsque je pars me coucher ce soir-là, j'ai le cœur gros comme les fesses d'un poney en pensant à Tornade. Je dois faire quelque chose pour lui. Mais quoi ? À ce moment-là, j'entends un bruit à ma fenêtre. C'est Laura qui a des choses importantes à me dire. « Demain soir, mon père reçoit le shérif à dîner et je vais faire inviter les Fox pour que tu sois là aussi. » Je lui dis que je ne comprends pas en quoi c'est si important. Elle me traite d'andouille et ajoute « Demain soir, on passe à l'action. Fais-moi confiance. » Il ne faut jamais sous-estimer une fille qui a une idée derrière la tête. Le lendemain soir, les événements se succèdent comme Laura l'a prédit. Nous dînons, comme prévu, chez son papa, avec Mr. et Mrs. Fox, qui a préparé des tartes aux pêches pour le dessert. L'invité d'honneur est le gros shérif Perlman. Quelques minutes après le début du repas, Laura part se coucher, prétextant un mal de ventre. Elle me fait un gros clin d'œil en guise de revoir. La soirée suit son cours autour d'un repas de haricots blancs pas cuits et d'épis de maïs brûlés. Mr. Smith est peut-être le pire cuisinier du Far West. Wep. On parle des événements de la veille et de la mauvaise graine Loveless père-fils dont on ignore si elle est pire ou non que la gangrène. Et alors que nous prenons congé, nous entendons des hurlements dans la rue. Dès lors, tout va très vite. Les trois hommes m'ordonnent de rester à l'intérieur avec Mrs. Fox. Ils se précipitent dans la rue. J'échappe à la vigilance de madame qui est terrorisée et je me retrouve à mon tour sur le palier. J'y découvre une scène stupéfiante. Loveless père tient une bouteille vide et semble avoir trop bu d'alcool. Il hurle en me voyant. « Petit crotal, rends-moi mon cheval !» Je n'ose en croire mes oreilles. Tornade a réussi à s'échapper. Mais pas le temps de me réjouir car je fais jouer mes réflexes en évitant de justesse la bouteille vide jetée sur moi par l'homme en colère. « Calmez-vous, Loveless, ça va mal finir pour vous !» tente le shérif avec prudence. « Alors dites à ce voleur de me rendre mon canasson. Je l'ai bien vu hier tenter de le voler à mon fils !» lui répond très emporté le balafré aux yeux menaçants. Mr. Fox et Mr. Smith haussent le ton en expliquant que je n'y suis pour rien. La preuve, je ne les ai pas quittés de la soirée. Je n'ai effectivement rien fait pour libérer le beau poulain, si ce n'est de jouer les enfants modèles à un repas où se trouvait le shérif. Lorsque Laura sort à son tour avec Mrs. Fox à ses trousses, c'est la cerise sur le gâteau. Je la vois jouant merveilleusement la comédie, se plaignant d'avoir été réveillée par les hurlements du méchant homme qui avait traité la veille le shérif de gros balourd. Elle me fait un nouveau clin d'œil, tandis que, rouge de colère, Mr. Perlman passe les menottes à un Loveless père qui insulte tout le monde à la ronde. Quelle soirée ! Mon nom à moi, c'est Billy. Et il y a 2 jours, j'ai fait une rencontre extraordinaire qui m'a amené à mieux connaître une fille exceptionnelle. C'est sûr et certain. Ma copine d'école, Laura, est plus courageuse que 1000 shérifs Perlman. Ce matin, elle est venue me chercher pour une balade. Elle m'a expliqué comment la veille, elle s'est faufilée par la fenêtre hors de chez elle. Dans le noir de la nuit, sans lune, elle s'est introduite chez les Loveless et a détaché Tornade qui s'était enfui. Puis elle est revenue prendre sa place pour ne pas attirer les soupçons. Je lui dis que c'est un acte héroïque et elle explose de son rire moqueur. Elle me signale qu'entre filles, c'est normal de se serrer les coudes. Je lui demande « Quel coude ? Quelle fille ?» En guise de réponse, elle sourit et pointe du doigt au loin un cheval qui s'approche. C'est Tornade qui vient nous saluer. Je regarde quand même Laura sans comprendre tout à fait. Elle me demande curieuse « Tu ne savais pas que Tornade était une femelle ?» Oh, j'avoue que celle-là, je l'avais pas vu venir. De toute façon, c'est pas un problème. On va avoir une bande mixte, parce que je sais maintenant que les filles, ça assure sérieusement. Et Laura, la calamité des bandits, c'est sûr, elle mérite d'être la chef de notre bande. Faudra que je le dise aux copains. Et s'il y en a un qui me répond qu'une fille, ça peut pas, il aura affaire à moi. C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Loïc Clément et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.